Madame Marneffe avait dressé ses batteries en apprenant les antécédents du directeur que son mari lui raconta longuement après quelques renseignements pris dans les bureaux. La comédie du sentiment moderne, pouvant avoir pour le baron le charme de la nouveauté, le parti de Valérie était pris et, disons-le, laisser qu'elle fît de sa puissance pendant cette matinée répondit à toutes ses espérances. Grâce à ses manœuvres sentimentales, romanesques et romantiques, Valérie obtint, sans avoir rien promis, la place de sous-chef et la croix de la Légion d'honneur pour son mari. Cette petite guerre n'alla pas sans dîner au rocher de Cancale, sans des parties de spectacle, sans beaucoup de cadeaux en mantilles, en écharpes, en robes, en bijoux. L'appartement de la rue du Doyenné déplaisait. Le baron complota d'en meubler un magnifiquement, rue Vanneau, dans une charmante maison moderne. Monsieur Marneffe obtint un congé de 15 jours, à prendre dans un mois, pour aller régler des affaires d'intérêt dans son pays et une gratification. Il se promit de faire un petit voyage en Suisse pour y étudier le beau sexe.